pluie, éclat de lumière. Ryderski, il avance, prêt pour la guerre entière. Des rues de GTA, aux bases de Russes trempées. Chaque pas, chaque souffle, chaque cible est ciblée.